Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet-Dupré 1862. Question 10. De l'infidélité. Nature, sujet, gravité du péché d'infidélité, espèce diverse d'infidélité, celle des gentils est-elle plus coupable que celle des autres, conduite à tenir à l'égard des infidèles? Ce qu'il faut penser des discussions publiques avec eux, de la contrainte exercée à leur égard, de la communication avec eux, de leur soumission, de la tolérance de leurs rites, du baptême de leurs enfants. 1. L'infidélité est-elle un péché? La foi est une vertu, l'infidélité lui est opposée, donc l'infidélité est un péché. Il y a deux sortes d'infidélité. L'une, purement négative, provient uniquement de l'absence de la foi. L'autre, positive, implique résistance à la foi, comme dans celui qui en combat les enseignements ou qui la méprise, et c'est en cela précisément que consiste essentiellement l'infidélité. Prise en ce dernier sens, l'infidélité est certainement un péché. Mais l'infidélité purement négative, qui est celle de ceux qui n'ont point entendu parler des vérités de la foi, est une peine sans être un péché. Dans ce cas, l'ignorance des vérités de la foi est la suite du péché de notre premier père. Ceux qui sont infidèles de cette manière subissent la damnation pour d'autres péchés dont la rémission est impossible sans la foi. Ils ne la subissent pas comme coupables du péché d'infidélité. Aussi notre Seigneur a-t-il dit, « Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. » Jean 15, 22. Il indiquait par là le péché d'infidélité positive dont les Juifs s'étaient déjà rendus coupables en ne croyant pas à sa divinité. 2. La puissance de l'âme qui sert de sujet à l'infidélité, est-ce l'intelligence? La foi, qui a pour contraire l'infidélité, existe dans l'intelligence comme dans son sujet, l'infidélité y existe donc également. En effet, le refus de croire, ce qui est proprement l'infidélité, est un acte de l'intelligence mû par la volonté, comme l'assentiment même que nous donnons à la foi. La volonté est la cause motrice de l'infidélité, mais l'infidélité elle-même est dans l'intelligence, qui en est le principe le plus prochain. 3. L'infidélité est-elle le plus grand des péchés? Saint Augustin, expliquant ces paroles de Saint Jean, « Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, il n'aurait pas de péché », Jean 15, 22, dit que le péché d'infidélité résume tous les autres. Les péchés sont d'autant plus graves qu'ils séparent davantage l'homme de Dieu. Par l'infidélité, l'homme est aussi éloigné de Dieu qu'il puisse l'être, il ne le connaît pas véritablement, et la fausse notion qu'il en a, loin de l'en rapprocher, l'en éloigne plutôt. Est-il possible de connaître Dieu sous quelque vrai rapport, lorsque de la fausse opinion qu'on s'en fait il résulte nécessairement qu'il n'est pas ce que l'on croit? Cela seul prouve que l'infidélité est le plus grand des péchés que puisse engendrer la perversité des mœurs. Nous verrons, toutefois, que, dans le même genre de péchés opposés aux vertus théologales, il en est encore d'autres non moins griefs. 4. Toute action d'un infidèle est-elle un péché? Les infidèles, qui ne sont pas en état de grâce, ne peuvent faire les œuvres méritoires pour le ciel, mais, le péché mortel ne détruisant pas totalement ce qu'il y a de bon dans la nature humaine, ils peuvent faire les autres bonnes œuvres auxquelles le bien de la nature suffit. Leurs actions ne sont donc pas nécessairement des péchés, bien qu'ils pêchent toutes les fois qu'ils donnent pour fin ou pour principe à leurs actes l'infidélité positive. 5. Y a-t-il plusieurs espèces d'infidélité? Quand on considère l'infidélité par rapport à la vertu de la foi, on trouve qu'elle se divise en plusieurs espèces, numériquement déterminées. Le péché d'infidélité consiste dans la résistance à la foi. Or, cette résistance peut se produire dans deux conditions, ou bien l'on résiste à la foi avant de l'avoir acceptée, c'est l'infidélité des païens et des gentils, ou bien l'on résiste à la foi après l'avoir déjà reçue, soit en figure, c'est l'infidélité des juifs, soit en réalité, c'est l'infidélité des hérétiques. Lorsque l'on veut ensuite déterminer diverses espèces d'infidélité, suivant la différence des erreurs sur les vérités de la foi, on s'aperçoit bientôt que ces espèces d'infidélité sont infinies, par la raison que mille et mille formes ont servi d'enveloppe à l'erreur. 6. L'infidélité des gentils est-elle plus coupable que les autres ? Il est un passage de l'Écriture qui semble résoudre cette question, c'est celui où saint Pierre, en parlant des Juifs, s'exprime ainsi, « Il leur eût été meilleur de ne point connaître la voie de la justice, que de retourner en arrière après l'avoir connue. » 2 Pierre 2, 21. N'en résulte-t-il pas que les gentils, qui n'ont point connu la voie de la justice, sont moins coupables que les juifs et que les hérétiques, qui l'ont abandonné après l'avoir connu? Il y a deux choses à considérer dans l'infidélité, d'abord son opposition à la vertu de la foi, et, dans ce sens, celui qui, après avoir reçu la foi, en combat les enseignements, pêche plus grièvement que celui qui résiste à la foi avant de l'avoir reçue, comme l'on fait un plus grand péché en n'accomplissant pas ce que l'on a promis qu'en négligeant de faire ce qui n'a été l'objet d'aucune promesse. D'après ces principes, l'infidélité des hérétiques, qui professent la foi de l'Évangile, mais qui la combattent en la faussant, est un péché plus grave en elle-même que celle des Juifs, qui ne l'ont point reçu. Et, parce que ceux-ci en ont reçu sous l'ancienne loi la figure, qu'ils altèrent par de fausses interprétations, leur infidélité, sous ce rapport, est plus grande que celle des gentils, qui n'ont reçu la foi évangélique d'aucune manière. Ensuite, on peut considérer, dans l'infidélité, l'altération des vérités de la foi. Dans ce sens, l'infidélité des gentils est plus grave que celle des juifs, et celle des juifs plus grave que celle des hérétiques, puisque les gentils errent sur un plus grand nombre d'articles que les juifs, et ceux-ci sur un plus grand nombre que les hérétiques. Toutefois, la première gravité l'emporte sur la seconde pour la culpabilité morale, parce que, nous l'avons dit, le péché d'infidélité se prend plus de la résistance à la foi que de l'absence même de la foi, qui tient, nous l'avons dit aussi, du châtiment plutôt que de la faute. Tout cela prouve que l'infidélité des gentils n'est pas plus coupable que celle des autres, et que celle des hérétiques est la pire de toutes. 7. Doit-on discuter publiquement avec les infidèles ? Deux circonstances sont à considérer dans toute discussion sur la foi, la première regarde celui qui discute, la seconde, les auditeurs. Dans celui qui discute, il faut voir l'intention, discute-t-il par suite d'un doute, voulant soumettre les enseignements de la foi aux épreuves de l'argumentation dans le but de s'assurer de leur vérité? Il pêche incontestablement, comme chancelant dans sa croyance, car déjà il est infidèle. Discute-t-il, au contraire, pour réfuter des erreurs qu'il condamne ou pour exercer son esprit à l'argumentation, il n'est que louable en cela. Dans les auditeurs, On doit observer si ceux qui assistent à la discussion sont instruits et fermes dans la foi, ou si, au contraire, ils sont simples et chancelants. En présence d'hommes instruits et fermes dans la foi, la discussion n'offre pas de danger, mais, pour l'engager devant les simples, il y a une distinction essentielle à faire, ou bien ils sont sollicités et poussés par les infidèles, juifs, hérétiques ou païens, qui s'efforcent de pervertir leur foi, ou bien, vivant dans un pays où la foi n'a pas d'ennemis, ils ne sont nullement inquiétés au sujet de leur croyance. Dans le premier cas, la discussion publique est une nécessité, mais il faut, pour l'entreprendre, des hommes éclairés qui puissent réfuter victorieusement l'erreur, les simples alors s'affermiront dans la foi, et l'on ôtera aux infidèles le moyen de les tromper. Ne serait-il pas à craindre que le silence de ceux qui sont chargés de défendre la vérité contre les ennemis de la foi ne servît à confirmer l'hérésie ? Comme l'observe Saint Grégoire, une parole imprudente peut jeter dans l'erreur, et un silence intempestif y laisser parfois ensevelir ceux que l'instruction en aurait fait sortir. Dans l'hypothèse qui suppose que la foi des fidèles n'est pas attaquée, tenez pour certain qu'il est dangereux de discuter publiquement devant les gens simples, dont la foi est d'autant plus ferme qu'ils n'ont jamais rien entendu qui la contredise. Nous demandons à quoi leur servirait d'entendre retentir à leurs oreilles les paroles d'un infidèle discutant contre la foi. Note. Lorsque saint Paul a dit « Ne vous livrez pas à des disputes de paroles, elles ne sont bonnes qu'à pervertir ceux qui les entendent. » 2 Timothée 2, 14, il n'a prétendu défendre que les discussions déplacées. L'affermissement de la foi demande que l'on discute quelquefois avec les incrédules. Saint Pierre nous recommande d'être toujours prêt à satisfaire ceux qui nous demandent compte de notre foi. 1 Pierre 3, 15. Saint Paul lui-même exige que l'évêque soit capable de convaincre ceux qui contredisent la saine doctrine. Tite 1, 9. Fin de la note. 8. Doit-on forcer les infidèles à embrasser la foi? La foi dépend de la volonté, et, en conséquence, les infidèles qui ne l'ont jamais acceptée, tels que les gentils et les juifs, ne doivent être contraints d'aucune manière à l'embrasser. Cependant les fidèles, quand ils sont assez puissants, doivent s'opposer au blasphème, aux discours impies et à la persécution déclarée de leurs ennemis. Tel est le but des guerres que les chrétiens soutiennent contre les infidèles. Ils n'ont pas la prétention de les forcer à embrasser la foi. Ce qui le prouve, c'est que si le sort des armes les fait tomber entre leurs mains, ils leur laissent la liberté de croire ou de ne pas croire. Ils veulent les empêcher d'arrêter les progrès de la foi chrétienne. Quant aux autres infidèles qui, pendant un certain temps, ont professé la foi ou qui n'y ont pas encore renoncé totalement, comme les apostats et les hérétiques, la question change de face. Chacun est libre de faire un vœu ou de ne pas le faire, mais, une fois fait, on est tenu de le remplir, et on peut même y être contraint par certains moyens coercitifs. Note. Le supérieur d'un monastère peut exiger de ses religieux l'observation de la règle qu'ils ont acceptée le jour de leur profession. L'Église et l'État peuvent empêcher les prêtres de se marier. Soutiendra-t-on qu'un père de famille, un chef de maison ou un maître de pension, ne peuvent pas contraindre, le premier ses enfants, les autres leurs subordonnés catholiques, à se conformer, extérieurement du moins, aux règles de la foi, sous peine de sortir, soit de la maison paternelle, soit de l'établissement. Fin de la note. 9. La communication avec les infidèles est-elle licite? Observons qu'en général on nous défend d'avoir des rapports avec un individu, tantôt parce qu'il est coupable et qu'on veut, pour le punir, l'isoler de nous, tantôt de peur que nous ne nous laissions corrompre par ses exemples. Il ne faut, dit saint Paul, qu'un peu de ferment pour corrompre toute la masse. 1 Corinthiens 5, 6. L'Église ne se reconnaît pas le droit de porter un jugement spirituel sur ceux qui n'ont pas jusqu'ici reçu la foi, elle n'a jamais pour but de punir les païens et les juifs, elle ne peut avoir cette intention qu'à l'égard des chrétiens infidèles qui s'écartent de la foi après l'avoir acceptée, soit qu'ils l'altèrent, comme les hérétiques, soit qu'ils l'abjurent totalement, comme les apostats. Que fait-elle alors? Elle lance l'excommunication avec l'intention d'infliger un châtiment pour quelque crime, et, dans ce cas, elle joint à l'excommunication la défense de communiquer avec le coupable. La seconde espèce de défense a pour but la sûreté spirituelle des âmes. Elle est subordonnée à la condition des personnes, aux affaires que l'on traitait au temps où l'on vit. Donnez-nous un chrétien bien affermi dans la foi, on ne lui interdira point la communication avec un infidèle, surtout si les rapports qu'il doit avoir avec lui sont justifiés par la nécessité, mieux encore s'il y a apparence qu'ils détermineront la conversion de cet homme, juif ou païen. Mais s'il s'agit d'une personne simple, facile à tromper, faible dans la foi, on lui défendra de fréquenter les infidèles, principalement par des rapports familiers qui pourraient faire redouter pour elle la subversion. 10. Les infidèles peuvent-ils avoir autorité ou juridiction sur les fidèles? Lorsque l'on demande si les infidèles peuvent avoir autorité ou juridiction sur les fidèles, il faut citer ces paroles de l'apôtre. Comment se trouve-t-il quelqu'un parmi vous qui, ayant un différend avec son frère, ose l'appeler en jugement devant les méchants, c'est-à-dire les infidèles, et non devant les saints? 1 Corinthiens 6, 1. Il faut ensuite envisager la question à deux points de vue. Premièrement, suppose-t-on qu'une institution naissante place, pour la première fois, des chefs à la tête d'un État, en les investissant de toutes les charges publiques? Ce serait une conduite insensée que d'y appeler des infidèles. Une telle institution serait évidemment un scandale et un danger pour la foi. Il n'y a qu'une grande vertu qui puisse tenir contre l'influence d'un pareil régime. Personne n'osera blâmer l'Église de repousser autant qu'elle le peut la domination des infidèles sur ses enfants. Secondement, s'agit-il, non d'un gouvernement nouveau, mais d'un pouvoir préalablement établi, alors on raisonnera autrement, car, ici, le droit humain se trouve en présence du droit divin, et le droit divin, dont le principe est dans la grâce, ne détruit pas le droit humain, fondé sur la raison naturelle. On ne doit pas enseigner que la seule distinction des fidèles et des infidèles fait perdre à ceux-ci leur autorité et leur juridiction. Mais l'Église, qui tient son autorité de Dieu, peut déclarer que quelques-uns, par leurs méfaits, ont mérité de la perdre. Elle a quelquefois usé de ce pouvoir dans l'intérêt de la liberté des peuples, lorsque, par exemple, elle a décrété que tout esclave appartenant à un juif est immédiatement affranchi sans rançon, du moment qu'il se fait chrétien. Quant aux autres infidèles, l'Église n'a point usé de son droit, elle a imité en cela le divin Sauveur, qui, pouvant s'exempter de payer le tribut, ordonna néanmoins de se conformer à la loi du prince, afin d'éviter le scandale. 11. Doit-on tolérer les rites des infidèles? Les gouvernements de la terre doivent imiter le gouvernement divin, dont ils sont une dérivation. Puisque Dieu, malgré sa toute-puissance et son infinie bonté, laisse subsister dans le monde certains maux dont la suppression empêcherait des biens plus grands ou produirait des maux pires encore, il faut aussi que, dans les gouvernements humains, le souverain sache tolérer quelques maux, pour ne pas empêcher certains biens ou pour ne pas occasionner des maux encore plus grands. Faites disparaître les courtisanes, disait saint Augustin lui-même, et bientôt les passions vont jeter le trouble partout. Quelquefois donc on tolère avec sagesse les rides des infidèles, à raison du bien que l'on en peut retirer ou du mal que l'on évite par cette tolérance. Lorsque les Juifs, par exemple, observent sous nos yeux les cérémonies qui figuraient anciennement les vérités de notre foi, n'avons-nous pas, dans nos ennemis même, un témoignage de la vérité de la religion, qui sans doute, puisque ce que nous croyons, nous le voyons représenté par des symboles. Pour cette raison, il est bon de tolérer les rites judaïques. Quant aux pratiques religieuses des autres infidèles, lesquelles ne nous offrent ni vérité ni utilité, on les tolère parfois pour éviter un plus grand mal, soit le scandale, soit une division, ou pour ne point mettre d'obstacle au salut des infidèles eux-mêmes qui, se voyant ainsi ménagés, finiront peut-être par se convertir à la vraie foi. Primitivement, lorsque les infidèles étaient très nombreux, l'Église a toléré certains rites des hérétiques et des païens. Note. Ce fut ce qui donna lieu à un mélange de christianisme et de paganisme, qui nous étonne dans l'histoire. Les infidèles qui se convertissaient, conservaient souvent des coutumes condamnables, qu'ils mêlaient à nos saintes pratiques. Fin de la note. 12. Doit-on baptiser, malgré leurs parents, les enfants des Juifs et des autres infidèles? L'Église n'a jamais été dans l'usage de baptiser les enfants des Juifs malgré leurs parents. Et pourtant, si nous remontons les siècles, nous trouvons que beaucoup de princes catholiques très puissants avaient pour amis de très saints évêques. Constantin était étroitement lié avec saint Sylvestre, Théodose avec saint Ambroise. Ces prélats, si éminents par leur sainteté, n'auraient certainement pas manqué de demander cette liberté, si la chose leur eût paru conforme à la raison. Ce serait une innovation dangereuse de vouloir, contrairement à la coutume constante de l'Église, que les enfants des Juifs et des autres infidèles soient baptisés malgré leurs parents. Premièrement, la foi elle-même en pourrait souffrir, car les enfants qui auraient reçu le baptême avant l'usage de raison pourraient, sortis de l'enfance, être facilement ramenés par leurs parents à abandonner ce qu'ils auraient embrassé sans connaissance, ce qui, évidemment, tournerait au détriment de la foi. Secondement, cela répugne au droit naturel, en vertu duquel l'enfant appartient à son père jusqu'à ce qu'il ait l'usage de son libre arbitre. La tutelle des parents est alors une sorte de gestation spirituelle. Il serait contraire à l'équité naturelle qu'un enfant, encore privé de raison, fût soustrait à leurs soins, ou qu'on en disposât sans leur consentement. Mais, une fois qu'il a l'usage de son libre arbitre, il s'appartient, et alors, en vertu du droit divin et du droit naturel, il peut pourvoir à son salut, amener à la foi, non par la contrainte, mais par la persuasion, et, s'il y consent, baptiser-le malgré ses parents, mais non pas avant l'âge de raison. Note. De même qu'il n'est point permis d'arracher une personne à la mort naturelle en allant contre le droit civil qu'il a condamné par une sentence juridique. Il n'est pas permis non plus de délivrer un enfant de la mort éternelle en allant contre le droit naturel, qui le place sous la garde de son père. Les parents qui laissent périr leurs enfants sans leur procurer les sacrements du salut seront seuls responsables devant Dieu. Saint Thomas reviendra sur ce sujet, partie 3, tome 4, question 68, 10. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.